La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 FM où le chat sort du sac. Vous êtes accompagné de moi-même, Sébastien Gartin, de Lucas Hubert. Bonjour, bonjour. Et de Louis-Philippe Quentin, notre invité d'honneur. Salut. Salut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, je vais commencer, en fait. Ben oui, c'est quoi ta semaine? Conte-moi ta semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Ben, moi, j'ai appris cette semaine que, malheureusement, dans les rares fois où je daigne me pointer à Montréal, je ne pourrai plus m'acheter d'eau embouteillée. Je suis triste. Très triste, parce que moi, j'aime ça payer pour quelque chose qui m'appartient déjà dans la vie. Parce qu'on va se le dire, l'eau embouteillée, là, c'est une belle grosse arnaque. L'eau, techniquement, nous appartient. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on a de l'eau qui coule du robinet juste en l'ouvrant. On paye pas pour ça. Et c'est très normal. Bon, il y a évidemment tous les compteurs d'eau puis tout ça. Ça, c'est pour surtout éviter le gaspillage, pour payer les infrastructures, ainsi de suite. Mais à base, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, une compagnie privée qui prend littéralement de l'eau qui nous appartient, qui nous la revend après ça dans des bouteilles en plastique, des prix souvent assez ridicules d'ailleurs, sous prétexte qu'il y a un paquet de choses, là, ils ont des minéraux qu'ils rajoutent ou je ne sais trop quoi. Bon, c'est tout le temps un peu une grosse farce, là, on va se le dire. Tu vois pas de différence de goût, toi, entre l'eau Nestlé et l'eau SK? C'est pas quelque chose que tu considères... J'aimerais honnêtement te dire oui, mais je trouve que c'est tellement minime comme différence. Dans le pire des cas... La plus grosse différence, c'est probablement le prix. Ouais, généralement. Ou ce qu'ils apprennent, peut-être, la manière qu'ils la traitent. T'sais, c'est des détails à mener. Je veux dire, l'eau à Trois-Rivières n'est pas vargeuse, mettons. Elle a tout le temps un peu des arrière-goûts. Ben, j'ai un Brita chez nous, ça fait la job, tu sais. Je paye déjà pour de quoi, tu sais. Puis là, bon, évidemment, puis là, je parle de ça parce que, en fait, Denis Coderre a un peu créé une mini-polémique qui, finalement, n'est pas très grosse comparée à d'autres affaires qu'on va discuter aujourd'hui. Mais bref, au début, ça s'enlignait pour être un peu le sujet de la semaine. Puis c'est ça, dans le fond, Denis Coderre a dit qu'il voulait faire une loi pour complètement interdire toutes les bouteilles d'eau à Montréal. Il serait rendu interdit de vendre de l'eau à Montréal dans un contenant en plastique. Elle ne serait donc disponible que par le robinet? Ben, genre. Oui. Ben, en fait, il va y avoir des moyens. Si c'est vraiment dépendant, parce que c'est pas encore déposé ce projet-là. En fait, ouais, c'est quand qu'il a annoncé qu'il allait interdire les sacs en plastique. Il a dit la prochaine étape, ça va être d'interdire les bouteilles de plastique. Mais il a juste comme dit ça à la légère un peu dans sa conférence de presse. Ce qui n'est pas complètement con, on s'entend. Effectivement. Que c'est plutôt logique. Mais dépendant de quelle façon le règlement est accepté, les compagnies vont peut-être juste avoir à vendre leurs bouteilles d'eau dans des contenants de verre, par exemple. Ce qui serait pas impossible. Ce qui serait pas impossible, de toute façon, c'est parce que le taux de contenants de plastique qui est recyclé est très bas, alors que les contenants de verre, on a plus le réflexe de les recycler. Fait qu'en soi, ça pourrait être une bonne chose. Ou est-ce que ça veut dire que divers points d'abreuvoir seraient disponibles pour les Montréalais, quelque chose dans le genre? On sait que ça se fait, par exemple, dans certaines grandes villes d'Europe. C'est quelque chose qui est plutôt efficace, en fait, comme manière de fonctionner. J'imagine. Ben, en partant, il est déjà censé y avoir des espèces de fontaines publiques où ce que, tu sais, je veux dire, tu te promènes, mettons, comme il y en a déjà, en fait. À Trois-Rivières, c'est ça, mettons, si tu vas sur le bord de la piste cyclable, il y en a à certains endroits, là, des trucs reliés à l'eau de la ville, là. C'est bien normal, tout le monde vit avec ça. Pareil, comme d'un corridor à l'université, il y en a, puis on n'a pas besoin d'acheter une bouteille d'eau. Puis là, ça a l'air de parti pour faire quasiment un débat avec ça. Mais moi, ce que je voulais en venir, en fait, c'est qu'encore, ben là, évidemment, quand le maire Coderre a parlé de ça, pourquoi est-ce qu'on en parle surtout? C'est que ben, Coca-Cola et d'autres compagnies qui possèdent des marques de bouteilles d'eau, eux autres se sont mis à broyer en public, évidemment, parce que évidemment, c'est payant au bout. Ils ont une ressource qui leur coûte littéralement rien puis qui peuvent vendre que les gens sont prêts à payer comme 2-3 piastres pour quelque chose qu'ils devraient avoir gratuit normalement, ce qui fait qu'eux autres, c'est des marges de profit de fou qu'ils font là-dessus. Oui, surtout que c'est l'eau qui était déjà traitée pour faire des boissons gazeuses. En plus. Oui. Déjà qu'en fait, tout ce marché-là des boissons gazeuses, je sais pas, pour ceux qui ne le savent pas, les boissons gazeuses qui sont vendues au Québec, puis mettons au Canada, ben c'est dans le fond, c'est une espèce de sirop que Coca-Cola produise à certains endroits spécifiques dans le monde où ça coûte pas cher à les produire, évidemment. Mm-hmm. Puis après ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils shippent ce sirop-là, qui est comme du concentré de coke ou de ce que tu veux, puis ils l'envoient, puis mettons au Québec, ce qui arrive, c'est qu'on reçoit ce sirop-là, puis là, ben, avec de l'eau publique, gratuite, évidemment. Eux autres, dans leur usine, tout ce qu'ils font, c'est délayer ça dans de l'eau avec un peu de gaz carbonique, puis ça donne du coke. Effectivement. Donc, mais t'as vu, ça a été quoi la réaction, en dehors de pleurer en public? C'est là où je voulais en venir. Leur gros argument, pourquoi est-ce que les consommateurs devraient être déçus de ça et devraient militer contre le mercadeur à cause de ça, c'est pour leur droit de choisir où est-ce qu'ils prennent leur eau. Ouais. C'est carrément ça, l'argument du choix personnel. Ils n'ont pas eu le temps encore de se faire un... Parce qu'il n'y a personne qui l'a vu venir, ça. Il n'y a aucune ville dans le monde qui a des lois contre les bouteilles d'eau en plastique. Ça serait la première. Puis là, probablement que beaucoup de villes suivraient. C'est une des raisons pourquoi ils veulent s'y attaquer comme ça. Quand que Denis Coderre a fait ça, ils sont inscrits immédiatement au registre du lobbying. Ils ont engagé pour 130 millions de lobbyistes, les compagnies ensemble, pour faire du lobbying contre cette loi-là. C'est dire combien eux autres font de l'argent avec ça. C'est qu'ils craignent l'effet de domino, en fait. Ouais, aussi. Puis il faut dire aussi, il y a une des choses, c'est que déjà, de leur point de vue, ils se prennent déjà peut-être un peu tard, parce que oui, Montréal serait peut-être la première grande ville mondiale à interdire ça. Mais tu sais qu'on dit une métropole, là, mettons. Mais bon, premièrement, il y a déjà des municipalités au Québec qui les ont interdit. Puis à Montréal, premièrement, dans les édifices de la ville de Montréal, c'est interdit, mettons, des distributrices puis tout, ils ont déjà plus le droit de vendre des bouteilles d'eau jetables. Recyclable, en tout cas, ce que vous voulez, là. Non réutilisable, mettons. Plusieurs universités montréalaises de mémoire, l'UDM et McGill, entre autres, ont déjà mis un règlement que sur leur campus, il n'y a plus une seule bouteille d'eau. À l'UQTR, ça s'en vient aussi, là, je ne me rappelle plus trop, mais ça s'était déjà parlé. Donc, c'est un peu l'avenir, donc venons-y. Fait que c'était pour ma semaine. Quelqu'un d'autre a quoi à compter? pas là-dessus, mais moi, je vais changer de sujet. Le sujet chaud, moi, j'avais tout préparé ma chronique pour mon tour de table, puis j'ai un peu tout scrappé ça. Je vais vous parler d'un sujet vraiment tout chaud de ce matin. Je vais y aller avec une devinette. Si je vous demandais qu'ont en commun des roses et des menottes, ben non, la réponse, c'est pas Fifty Shades of Grey, mais c'est Nathalie Normando. Normando. J'aimerais que tu expliques ici cette analogie. C'est juste parce que Nathalie Normando, pour ceux qui ont suivi un peu la commission Charbonneau, il y avait Zambito qui avait été à la commission Charbonneau dire qu'elle avait déjà invité à un spectacle. Elle avait déjà donné des billets VIP, quelque chose comme ça, pour aller voir, je pense, Céline Dion. Puis après ça, il est allé au restaurant puis il y avait offert un bouquet de roses. Ça ressemble à ça, l'histoire Nathalie Normando. Donc, tout le monde avait ri d'elle avec ça. Mais bref, c'était aujourd'hui, juste, tout le monde ri d'elle pour autre chose. Effectivement. Mm. Bon, ce qui est arrivé, Nathalie Normando, c'est une ancienne ministre du gouvernement libéral. C'est la vice-première ministre libérale au temps de notre camarade Jean Charest. Notre grand ami, oui, ça l'a sorti ce matin. Elle a été arrêtée avec 7 autres personnes. Donc, j'ai été écouter la conférence de l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, au sujet. Bon, officiellement arrêtée, il y a 13 personnes. Sur les 13 personnes, il y en a 7 qui vont des chefs d'accusation portés contre eux. Donc, aux criminels sont accusés, c'est fait. Il y aurait, si l'UPAC les a arrêtés, c'est parce qu'ils ont des preuves. Les preuves n'ont pas encore été déposées. Les 6 autres personnes, probablement que c'est juste pour témoigner par rapport à ça. On a eu les noms des 7 personnes. Il y a Nathalie Normando, qui était depuis à peu près un an, qui était animatrice avec Éric Duhaime au FM 93. Bon, il y a Marc-Yvan Côté, qui est un ex-ministre libéral sous Robert Bourassa. C'était un organisateur politique et un collecteur de fonds. Il a été vice-président du développement et des affaires chez Roche entre 1994 et 2005. Roche, c'est la firme qui s'est faite aussi blâmer justement d'avoir utilisé des prête-noms pour donner au Parti libéral. Bon, il y a Mario Martel, qui est l'ex-président et chef de la direction chez Roche. Plus tôt cette semaine, l'UPAC avait déposé des accusations pénales contre lui pour fraude fiscale en lien avec le financement des partis politiques. France Michaud, qui est l'ex-vice-présidente de Roche, qui est condamnée pour fraude dans le dossier de l'usine d'eau Boisbriand. Il y a Ernest Murray. Là, ça, c'est sûr qu'on avait un peu moins vu venir. Ernest Murray, c'est l'ex-attaché politique au bureau de comté de Charlevoix de Pauline Marois. Ouais, effectivement, ça, on ne l'avait pas vu venir. Il y a François Roussy, qui est l'ex-maire de Gaspé et est un ancien employé au bureau de comté du député péquiste de Gaspé. Donc voilà, donc le PLQ et le PQ sont quand même touchés par ça. Il y a 7 chefs d'accusation portés contre eux, dont fraude, corruption, complot, fabrication et utilisation de faux documents, abus de confiance... Quand même, c'est tous des chefs d'accusation qui sont passibles d'entre 5 et 14 ans de prison. Par contre, c'est non cumulable. Donc, ils peuvent pas comme être condamnés 7 fois 14 ans. Bon, ça serait la plus grosse peine qui gagne, dans le fond. Mais... c'est quand même étonnant de t'entendre parler. J'avais pas entendu les noms encore, donc j'avais pas compris encore le coup de théâtre par rapport au PQ. Mais juste avant l'émission, je voyais ces réseaux sociaux des espèces de des photos apparaître avec, avec des chiffres qui disaient que c'était juste au PLQ qu'on avait trouvé des gens arrêtés. Mais on comprend ouais. donc dès maintenant que c'est complètement faux. Effectivement, le PQ a fait une conférence de presse, en fait, là, 30 minutes pour dire « Regardez, on a maintenant les preuves hein, que le PLQ est corrompu pour essayer de détourner l'attention. » Voilà, mais c'était juste une manière de... Détourner l'attention. Détourner l'attention, c'est carrément. Ça. Carrément. Ils ont pris le contrôle de la crise, en fait. Là. C'est carrément de la gestion de crise. D'ailleurs, on en était surpris de... Hein, le PQ se déniait sur la gestion de crise, me semble, les dernières années. Ils ont eu bien de la misère avec ça. J'ai écouté aussi tout à l'heure l'émission de Duhem, d'Éric Duhem, parce que là, évidemment, là, c'était l'émission Duhem Normando. Aller jusqu'à ce matin, le voyons, grosse gestion de crise, FM 93, ils ont tout enlevé les photos de Nathalie Normando, ils ont tout refotoshopé ça, ils ont tout réenregistré les jingles. maintenant, l'émission s'appelle Éric Duhem le matin, ils ont tout enregistré les pubs, parce que les pubs dans ces émissions de radio-là, souvent, ils disent « fier partenaire de Normando Duhem le midi ». Fait qu'ils ont tout réenregistré ces jingles-là quand même. Ils ont vraiment dû travailler fort ce matin. Il n'y a pas juste les Jutras qui doivent changer de nom à la dernière minute. Oui, c'est ça. Mais en fait, probablement là, qu'ils ont bien bu. Puis c'est parce que ça a été dit plusieurs fois en onde apparemment. Moi, je n'écoute pas ça du tout, là, mais j'avais entendu dire que quand ça venait sur le sujet, ils n'avaient pas arrêté à cette émission-là de dire que non, Nathalie Normando, elle ferait jamais de la radio si elle avait de quoi se... En fait, j'ai la citation exacte. C'est à la première émission, elle avait dit à Éric Duhem, est-ce que tu crois vraiment que j'aurais accepté le métier d'animatrice de radio si j'avais quelque chose à me reprocher? Poser la question, c'est y répondre. Bon, ben... ben ça, c'est à toutes j'imagine les fois que ça dépend animatrice de radio ou... Ça doit dépendre de ça. Mais d'après moi, en fait, c'est qu'ils l'ont vu venir depuis un bout de temps puis il était déjà prêt. Là. Ça se peut quasiment pas. De toute façon, ça se règle pas... Genre l'affaire qui prend du temps à réparer. Là. Mais finalement, honnêtement, moi j'ai écouté l'émission en me disant que Duhem allait probablement faire une quelconque gaffe puis que ça allait être drôle. Non, finalement, honnêtement, il a bien réagi. Il a été très professionnel. La seule chose que j'ai trouvé drôle, j'ai écouté les 20 premières minutes de l'émission, c'est qu'il a fait jouer une pub dans les 20 premières minutes de l'émission. Et d'après moi, ils n'ont pas pensé parce que la pub qu'ils ont jouée, c'était une pub pour le restaurant Pot de vin. La pub, c'est le restaurant Pot de vin pour un menu sans appel d'offres et un prix qui vous feront dire qu'on est probablement corrompu. Wow. ça ressemble un peu, comme tu me disais, Lucas, quand on préparait l'émission tantôt, ça ressemble un peu aux fausses annonces qu'ils font à la soirée T'es encore jeune. Là. Ça serait quasiment ça. Ouais, exactement. Mais bon, c'est ça pour le tour. Ça, c'était tout chaud au frais de matin. On s'en irait maintenant au champion de la semaine. Ok, oui. You are the best, but you say you don't know. You got the touch, now come on. Alors, champion de la semaine, qui est Sébastien? Bon, ben premièrement, on va expliquer c'est quoi. C'est quoi? Champion de la semaine, ça, c'est une personnalité publique qui présente... D'ailleurs, ce coup-ci, c'est encore... ça va être par groupe. Suspense. Personnalité publique qui s'est vraiment beaucoup illustrée dans l'actualité québécoise par son habileté ou par son grand entendement et ses grandes qualités, bref. De manière très ironique, évidemment. bon, cette semaine, c'est qui notre champion de la semaine? C'est le groupe Archambault. Là encore, ça s'enlignait pour être un peu un autre gros débat de la semaine, une autre grosse question de la semaine. Finalement, ça a été encore un peu mis de côté. Ça a été tassé. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le groupe Archambault, qui ont été rachetés par Renaud Bray, il y a déjà de ça plusieurs mois, ont, du jour au lendemain, décidé de fermer leur centre d'appel parce que, bon, à cette heure, sur leur site Internet, entre autres, on peut commander par Internet, on peut acheter de la musique sur leur site Internet, ainsi de suite. Donc, il s'était ouvert un centre d'appel pour les problèmes reliés à ça. Puis, du jour au lendemain, le centre d'appel a été fermé. Puis, ça a été, premièrement, ça a été une fermeture qu'on pourrait dire sauvage, dans le sens que les gens sont rentrés travailler le lundi matin, ils se sont fait dire « En passant, on est fermé, fait que retournez chez vous. On va vous envoyer votre severance package par la poste. » Il faut savoir aussi que lorsque ce centre d'appel-là était fermé, Quand on appelait, c'était une excuse de problème technique. Quand de toute évidence, c'est des problèmes humains. On le voyait sur la page Facebook. Ce qui était écrit sur la page Facebook d'Archambault, c'est « Il est malheureusement impossible de nous joindre par téléphone en ce moment. Nous nous aviserons aussitôt que la situation sera rétablie et nous remercions d'avance pour votre compréhension. » Mais par contre, on sait Archambault fonctionnait comme ça avec un centre d'appel comparativement à Renaud-Bré qui, eux, choisissent de... renvoyer ça des magasins pour que ça soit directement des magasins payés qui s'en occupent. Probablement voilà. Qu'ils vont faire la même chose parce que Renaud-Bré est maintenant propriétaire du groupe Archambault. Exactement, ça devrait... Donc, le service est peut-être plus personnalisé, mais on sait qu'au fondement, c'est peut-être plus pour réduire des coûts tout simplement ben, que c'est ça a été fait. C'est assez évident que c'est ça. Puis c'est, de toute façon, on s'entend la l'union de Renaud-Bré et d'Archambault. Il y a toujours eu quelque chose de louche un peu derrière ça parce que à base, Archambault a été vendu à Renaud-Bré, mais Renaud-Bré possédé en grande partie par Québécois. Fait qui était l'ancien propriétaire d'Archambault. Fait que tu sais... On se demande ce qui se passe avec ça. Là. L'industrie culturelle québécoise, hein? c'est un peu bizarre. D'ailleurs, Louis-Philippe... on note ici le mot « industrie ». Effectivement. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était ce dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Ouais. Avant, en fait, Sébastien veut nous introduire notre effectivement, invité. Premièrement, expliquons-le. Là, imaginez qu'on a une belle petite toune fancy comme Mathieu Plante fait le matin. D'habitude, il y a ça. Nous autres, on ne l'a pas. Donc, c'est ça, une fois de temps à autre, moi puis Lucas, on est lâche un peu puis on décide de s'inviter quelqu'un pour prendre du temps dans l'émission. C'est bien présenté comme ça. On appelle ça un invité d'honneur, c'est-à-dire qu'on invite quelqu'un pour assaisonner nos niaiseries. On ne pas dire bouche-trou, on dit invité d'honneur. Non, c'est invité d'honneur. Il y a honneur dedans, c'est le fun. Je me sens aucune insulté. Donc, notre invité d'honneur cette semaine, c'est Louis-Philippe Quentin qui parle depuis tantôt, qui est l'actuel... Là, j'ai de la misère avec les postes parce que vous avez scindé le poste de rédacteur en chef aux Zones Campus. Mais là, je sais pas c'est quoi exactement. T'es devenu rédacteur en chef là, en janvier. Fait que tu peux dire ça. T'es redevenu... Mais j'ai jamais aimé la notion de « en chef ». Parce que, tu sais, Lucas, on travaille ensemble, on a déjà travaillé ensemble, Sébastien, puis je trouve que c'est un travail d'équipe où il devrait pas avoir cette sorte de hiérarchie-là. Mon boss, assume. Comment? T'es mon boss, assume. Ah, faudrait... En tout cas, de toute façon, c'est pas ça le sujet de débat. C'est ça, ça ouvrait, on parlait de l'industrie culturelle québécoise, puis je pense que c'était pour ça que c'était de ça que tu voulais nous parler surtout. Là. Exactement, oui, super belle manière de faire le lien. C'est un sujet que j'avais déjà parlé en chronique l'an dernier, puis c'est un sujet qui me tient à cœur, puis donc que je trouve intéressant à parler lorsque j'ai une tribune comme celle-ci. Parlons ici de musique francophone, en fait. Je ne sais pas si vous deux, vous êtes en fait des amateurs de musique francophone. J'ose croire que certes. Vous êtes ouverts à ce qui se fait ici. De plus en plus. De plus en plus. Donc, ça veut donc dire que Sébastien commence à ouvrir ses œillères, voilà. Mais oui, la musique francophone, en fait, j'ai souvent étudié le phénomène, pas de manière académique, bien sûr, je dis ça très humblement, mais je me suis posé quelques questions par rapport à la chose. Donc, je suis un amateur, évidemment, on passe de Gilles Vigneault, aller jusqu'à Harmonium, en passant par Beau Dommage, Charlebois, plus récemment, moi, j'adore Carquois, j'adore Marie-Pierre Arthur, puis évidemment, Galaxy, je suis un grand fan aussi. Donc, mes horizons culturels québécois sont assez larges, j'aime plusieurs styles. Cependant, ce que je remarque, c'est quand je discute avec beaucoup de gens de mon entourage qui sont des mélomanes, disons, qui vont apprécier beaucoup la musique anglo-saxonne et qui vont, d'une certaine manière, je vais utiliser ce mot-là, mais malgré qu'il faut nuancer mes propos, qui crachent d'une certaine manière dévaloriser. Qui dévalorisent. Ah, mais des fois, ils crachent, toujours. Mais je sais pas si vous avez déjà assisté à ce phénomène-là de vous faire sortir une phrase du genre « Ah, moi, la musique francophone » ou encore plus large « Ah, moi, le genre québécois » parce qu'évidemment, au Québec, peu importe le genre de musique que tu fais, tu es classé dans le genre québécois. Ben, je pense qu'il y a un peu un cliché qui revient beaucoup. Puis, tu sais, coupable, moi-même, j'ai longtemps pensé un peu ça. Tu sais, qu'on assimilait la musique québécoise à, premièrement, des chanteuses de ma tante, Jean-Céline Dion. Ça ou du folk? Ouais, ou genre, c'est ça, les cowboys fringants. Exactement. Si t'aimais pas les cowboys fringants, mais t'aimais pas ce qui se fait au Québec. Là. Comme si tout le monde attendait toujours le prochain Dédé Fortin ou le prochain Bernard Adamus, là, mettons. Tu sais, quelqu'un qui parle de trucs introspectifs avec sa guitare, tu sais, c'est Safia Nolin qui a eu beaucoup de succès, que j'adore d'ailleurs, mais ça reste quand même qu'on met beaucoup l'accent sur ça, plutôt que vers une définition un peu plus de groupe tel que les groupes anglo-saxons comme les Beatles. Mais justement, on parlait tantôt d'industrie musicale. Ce ne serait pas justement principalement parce que la plupart des artistes connus sont créés de toutes pièces par disons, Québécois, des choses comme ça, plutôt que de leur permettre de faire leur chemin, puis de créer leur son, puis de créer leur style chemin faisant. Il y a probablement une grande part de tout ça, mais moi, je pense personnellement, c'est un autre de mes sujets d'analyse que je travaille souvent en chronique, c'est un travail, il y a un gros travail mental d'étiquetage dans la société québécoise. Donc, si quelqu'un a la place de la chanson folk, par exemple, j'ai utilisé Safia Nolin tantôt, il y a Safia Nolin qui parle de ses tourments, il y a Philippe Braque qui est un peu fucké, qui est comme notre nouveau Jean Leloup, si on veut. Évidemment, ici, je fais ça large. Non, je suis juste pas d'accord. J'allais nuancer mes propos là, pour pas que quelqu'un... Il y a personne qui veut remplacer Jean Leloup. Mais ce que j'ai déjà dit en fait en chronique, c'est que si on avait... si le Québec est un grand village, mettons que c'est un grand village... Et qu'on devait trouver un fou à ce village-là, probablement qu'on choisirait Jean Leloup. Au même titre qu'on a un rocker au cœur tendre, puis c'est Éric Lapointe avec ses bagues. Un autre, j'ai beaucoup de bagues. et ses poèmes de secondaire 3. En fait, ça, c'est Roger Tabra qui, en grande partie, écrit les textes d'Éric Lapointe. Écrit les poèmes de secondaire 3 d'Éric Lapointe. Semble-t-il. Puis Roger Tabra qui a d'ailleurs passé l'arme à gauche il y a quelques jours. Donc, on va arrêter de parler contre. Mais, hein, le gars, c'est malaisant. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a, je trouve, un travail d'étiquetage qui se fait implicitement au Québec, qui est peut-être malheureux et qui donne pas place à la nouveauté, qui fait en sorte qu'il y a des artistes comme en ce moment qui se lèvent contre ça. Je prends par exemple Alexandre Martel, leader de Mauve ainsi que de Anatole, des groupes qui nous viennent de Québec, qui lui déplore ça un peu. Puis c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se permettre au Québec d'avoir un Ziggy Stardust moderne? C'est vrai, puis tu sais, un truc, tu dis ça, puis ça me fait penser, puis c'est sûr que c'est de l'étiquetage en soi, mais tu sais, je pense juste à sur iTunes, tu t'en vas regarder la musique, tu t'en vas regarder la musique anglophone, puis il y a dans n'importe quoi, il y a un paquet de. Tu sais, il te met tout un genre musical. Il y a un paquet de genres, mais du moment que c'est francophone, c'est musique francophone. Exactement. Quand quoi, dans musique francophone? Dans les magasins de musique, c'est la même chose. Il y a une section accordée à ça. C'est sûr que je comprends qu'il y en a moins, mais pourquoi est-ce que Voivode peut... Parce que dans ce cas-là, sont classés dans musique métal, parce qu'ils chantent en anglais, mais ils viennent d'ici. Mais pourquoi est-ce qu'un groupe équivalent... Anonymous, disons, va être classé dans francophone et non dans musique exactement, métal? Exactement. Même si on est capable facilement de les identifier à un genre précis. Un autre exemple de ça, c'est Rouge Pompier. Mm-hmm. Qui, je veux dire, jusqu'à un certain point, c'est du genre... C'est un peu indéfinissable parce que ça dépend des tunes, mais tu sais, même chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans francophone et non dans metal ou dans punk? Exactement. Tu sais, car quoi, c'est du rock alternatif. Donc, on va chez HMV, on pourrait très bien les classer dans pop rock, qui est extrêmement large comme genre, mais on les classe dans francophone. Reste néanmoins que c'est une médaille qui a deux faces parce qu'on peut les retrouver plus facilement en cherchant comme ça. Donc, ça, sauf que ça crée une bulle fermée. J'ai l'impression que ça renforce un peu cette même idée-là que le Québec est une bulle fermée de la masse qui l'entoure. Puis je pense que le métissage de la chose pourrait être fort intéressant. Mais il y a aussi très peu de chaînes de radio, d'émissions culturelles qui vont couvrir tout ce qui n'est pas les grands noms créés par l'industrie. Un des seuls grands postes qui va faire jouer de la musique québécoise plus underground, c'est Radio X, Radio X 2. Là-dessus, ils sont très forts. C'est rare que je lance des fleurs à Radio X, mais là-dessus, non, mais pour ça, il n'y a absolument rien à dire. Là. Il y a Radio X, puis c'est fou. Effectivement. Ben oui, galons, toi. Faut pas l'oublier. Mais c'est sûr qu'il y a aussi le fait que là, on a peut-être une perspective un peu trifluvienne qu'à Trois-Rivières, sans vouloir se lancer des fleurs à nous autres-mêmes, il n'y a pas beaucoup de bons postes de radio à Trois-Rivières. Non, effectivement. En fait, peut-être même me modérer encore un peu ce que je dis, il n'y a pas beaucoup de diversité de postes de radio à Trois-Rivières. Parce que ça le problème. Tu vas à Montréal, là. Puis, où tu vas, même pas à Montréal, tu vas même dans le 4-5-0, où que, théoriquement, tu t'attends à ce que ça soit déjà moins diversifié. Parce que, bon, on s'entend dans la métropole, c'est sûr qu'il y a un paquet de choses. Mais diversifié, le peuple est diversifié. C'est donc. Ça. Tandis que, bon, dans le 4-5-0, ben, c'est plus homogène, mettons. Puis même là, t'as beaucoup plus de variété de... Moi, tu sais, tranche de vie, ma copine vient du 4-5-0. Puis, tu sais, puis dans la partie la plus banlieue cliché du 4-5-0, puis elle me disait qu'elle n'en revenait pas en arrivant à Trois-Rivières, comment est-ce qu'il n'y a pas de poste de radio? Juste en termes de nombre de postes de radio, puis en termes de diversité aussi. Peut-être que les gens ne roulent pas assez longtemps en voiture lorsqu'ils prennent leur voiture pour décider d'écouter une émission complète de radio. C'est peut-être pour ça, tout simplement. Ben, c'est drôle, mais il y a aussi une mentalité, je pense, d'un commerce aussi, parce que c'est une autre place, tu sais. Combien de commerces normalement passeraient un... je sais pas, moi, mettons un café un peu, tu sais, qui a une clientèle un peu jeune, passerait une radio un peu plus indépendante, puis tout, puis contribuerait à y donner des codes d'écoute, entre autres, à Trois-Rivières. Des gens partant, rares sont les commerces qui choisissent de passer de la musique indépendante. Pis j'utilise l'exemple, je suis tout le temps rendu là de ce temps-là, mais le café Frida, c'est un bon exemple d'une place qui met de la musique alternative, mais c'est pas une place qui choisit de mettre la radio. Donc, dans bien c'est des vrai. Cas, oui, il y a des trucs alternatifs qui jouent, mais c'est pas... Ça passe par Galaxy, Spotify, Sirius, etc. Ouais. Habituellement. Ouais, en effet. Ouais. Mais autres, il y a un tourne-disque aussi, faut même dire. À Montréal, ouais, ça change tout. Même à Montréal, un des piliers, une des institutions pour ce qui est de la musique underground, c'était CIBL. C'est bien ça, CIBL? Je me trompe pas. Et CIBL est en grosse difficulté financière présentement. Ils font des campagnes de sociofinancement, puis si ça fonctionne pas bien, ils sont sur le bord de fermer. Même dans métropole. Même dans le Grand Montréal. Mmh. Ben, probablement que c'est le médium, en fait, peut-être. C'est sûr, le médium vieilli. Le médium vieilli, mais en même temps, tu sais, ben, c'est drôle, j'ai eu cette discussion-là. D'ailleurs, en fait, on a du temps de céduler pour ça après la pause. Fait qu'au pire, on va y revenir de toute façon. Parce qu'après la pause, on avait, je vais le dire, on avait. On s'était planifié une petite discussion sur les médias étudiants, puis bon, évidemment sur la radio et sur le journal, fait qu'on va y revenir, on est dû pour aller en pause depuis un petit bout. Fait que... On vous revient. Je pense que c'est rendu là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou. .ca. 89.1. Rebonjour, vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 80... Ça fait dur ça. 89.1 FM, ouais, prise 2, on le coupe au montage. Là, il faudrait que je mette de l'argent dans la petite, le petit truc pour notre prochaine poursuite par la soirée est encore jeune. Hey, ça va pas bien aujourd'hui? Ça va. C'était effrayant. Bon. Bienvenue, on est ici, puis on parlait déjà d'un sujet, on parlait de la culture québécoise et des médias, principalement, qui certains médias plus alternatifs qui ont de la difficulté. D'ailleurs, on allait se lancer sur ce sujet-là. Ben, c'est ça, dans le fond, pour continuer un peu, là, je vais me reprendre, je suis désolé. c'est ça, dans le fond, on discutait un peu de la musique francophone, qui est un peu un dada de Louis-Philippe Quentin, notre invité d'honneur aujourd'hui. Puis on en est venu à parler un peu des médias, comme tu disais, Lucas, des médias alternatifs, comme d'ailleurs, présentement, on est en train de vous parler à travers un média alternatif qui est C'est fou. Puis bon, c'est sûr que c'est ça, on parlait aussi des difficultés, que c'est pas facile. Il y a entre autres une radio. C'est quoi la radio à Montréal dont tu parlais? CIBL. CIBL, qui est une des radios qui aide beaucoup les artistes émergents à Montréal. Puis ceux qui ont fait connaître Mononcle Serge, par exemple. Entre autres, qui survivent sur le sociofinancement. Puis bon, c'est ça, on trouvait ça important d'en parler parce que nous autres, ça nous a donné des opportunités, ces radios-là. Ça nous en donne encore. Ça nous en donne encore, en fait. Puis on peut rentrer aux Ondes Campus là-dedans aussi. Moi, j'ai commencé là. Lucas, il travaille aux Ondes Campus présentement. Louis-Philippe, t'es le rédacteur en chef du Zone présentement. Puis là, regarde, on se parle tout assez fou. Fait que c'est ça, dans le fond, c'était pour amener une discussion, de faire un tour de table sur pourquoi est-ce qu'on aime ça. Plus ou moins. Ben, en fait, les médias alternatifs, ce qui est intéressant avec ça, surtout lorsqu'ils sont dans un milieu étudiant, c'est que j'ose croire, du moins, qu'ils ont la possibilité de participer, premièrement, au sentiment d'appartenance à un campus, à une université. Évidemment, plus le média est consommé par la communauté universitaire, dans notre cas, par exemple, plus ce média-là va être consommé, plus ce sentiment-là... va aider à être renforcé, mais surtout, ça donne une tribune à ces mêmes étudiants-là qui, eux, peuvent réfléchir sur ce qui se déroule sur leur campus, mais également sur... ça, c'est une bonne représentation, en fait, de tout simplement ce qui se déroule dans la tête de la jeunesse québécoise, tout simplement à grande échelle. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit là et que ce soit consommé. Bien, c'est sûr que c'est une grosse chose. D'ailleurs, il y a des sujets que... Tu sais, moi, je me rappelle de quand j'étais encore aux Zones, il y a des sujets qu'on a couverts qui avaient été couverts par d'autres médias régionaux qui sont plus traditionnels, on va dire. Puis notre couverture, bon, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens en termes d'équipement, en termes de déléguer des gens pour mais y ni aller les mêmes suite. Perceptions. Ni les mêmes perceptions, mais c'est justement, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai l'impression que... Bon, c'est ça, on a moins de moyens, évidemment, mais de ce qui est de la qualité de ce qu'on sort quand même, on n'a vraiment pas à rougir par rapport à ça. J'ose croire que non. Non, effectivement. Puis c'est surtout qu'il y a une certaine problématique dans le fait que la plupart des grands médias ne couvrent pas beaucoup l'actualité régionale. Même Radio-Canada, dont le mandat, normalement, est de couvrir l'actualité régionale, le fait de moins en moins... Bon, ils disent que c'est à cause des coupures. Là, ils vont bientôt avoir des budgets, mais je suis prêt à parier qu'ils ne vont pas remettre au Saguenay. En fait, c'est que c'est couvert, mais c'est le temps qui est accordé à ça, par exemple, en ondes, qui va être réduit. Exact. Normalement, disons, à Radio-Canada, à la radio, à toutes les heures, il y a les nouvelles et ils laissent à peu près 3-4 minutes aux nouvelles régionales. Voilà. Bon, c'est par heure. Mais sinon, dans les émissions produites dans la région, ici en Mauricie, on a une émission, c'est l'émission du matin. Ça a été réduit, ça, énormément. Même à la télévision, on a le téléjournal régional qui est à 18h. C'est tout. Très bien. Au Saguenay, quand j'étais au Saguenay avec Saint-Jean, il y avait deux émissions régionales. Il y avait celle du matin, il y en avait une à l'heure du retour, ce qui était bien. Mais sinon, si on écoute justement ces médias-là, ce qu'on va entendre, c'est bon, la politique municipale montréalaise. On va entendre le trafic, quel pont utiliser si on est à Montréal. Mais merde, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est à Trois-Rivières. Ce qui se passe à Montréal. Qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières? Extrêmement important, la vie régionale, les médias régionaux, de couvrir ça, que ce soit la radio, que ce soit les journaux. Et je crois que c'est une des raisons de les soutenir. Mais au même titre qu'un média académique, par exemple, on parlait de l'importance des médias sur un campus, mais en ce qui a trait à la région, c'est la même chose. Ça crée le même genre de sentiment d'appartenance. Puis s'il n'y a pas ça, on fait tout simplement vivre dans une région de manière un peu en genre de latence, un peu placide, triste. Puis... C'était drôle que j'ai trouvé ça bon que tu dises ça parce que c'est un truc qui revient constamment dans les problèmes à l'UQTR. C'est justement le piètre sentiment d'appartenance des étudiants à l'UQTR. Parce que dans le réseau des universités du Québec, dans les universités en général, une partie du financement des universités vient de la philanthropie, surtout des anciens étudiants qui veulent contribuer financièrement à leur alma mater. C'est ce qui fait la grosse différence entre des universités comme McGill ou l'UDM qui sont extrêmement riches, comparé. Puis là, quand je dis extrêmement riche, là, je suis sûr que s'il y a des gens de McGill qui m'écoutent, ils doivent se facepalmer massivement. Il n'y a personne de McGill qui t'écoute, inquiète-toi. Probablement pas. De toute façon, ils ne comprennent rien. Parce que la joke, c'est que McGill, c'est une université anglophone. Là. Merci de l'avoir expliqué, Sébastien. On n'avait pas compris. Ben, on ne sait pas, on est à la radio, on ne sait pas qui nous écoute, c'est la beauté de la chose. Voilà. Donc, mais c'est ça, il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui est inscrit à McGill présentement qui nous écoute. On croise les doigts, ça serait le fun que ça se rende jusque-là. Mais c'est ça, des fois, c'est que les universités qu'on va appeler privées, mais que ça, bon, j'en parle fréquemment, que c'est pas vrai qu'il y ait des universités privées au Québec, là, mais ceux-là vivent sur une certaine philanthropie. Puis à l'UQTR, on considère qu'on est probablement une des universités qui, au Québec, au contraire, en reçoit le moins. C'est-à-dire que quand tu es un finissant à l'UQTR, quand tu as fini à l'UQTR, tu te sens pas tellement un devoir de redonner à ton alma mater qu'on appelle ta mère patrie d'éducation, je sais pas quoi. Puis je crois pas nécessairement que c'est quelque chose qu'on devrait avoir comme sentiment dans la présente situation. Je pense que c'est un travail autant de la direction d'une université que de ceux qui y ont étudié de souhaiter du bien pour le futur de leur milieu. Donc, si on ressent pas qu'il y a une espèce de motivation de faire grandir positivement et idéologiquement un campus universitaire de la part de sa direction, c'est normal que la personne qui a étudié n'ait pas nécessairement envie de donner en retour. Ben c'est ça, puis tu dis ça, une des choses, puis là j'ai l'impression de revenir sur mes anciens éditoriaux, là, d'après moi c'est toi qui tu me ramènes dans le passé, mais c'est une chose de dire qu'il faut améliorer ce sentiment d'appartenance-là à l'UQTR, mais tu sais, c'est pas en mettant des fanions sur la Ligue Gilles Boulet que tu sais, de nous mettre le logo dans la face partout ce qu'on va, qu'on va se sentir plus content de venir ici. Le problème, c'est pas les outils, c'est la manière. Ben, les outils, on est capable de se les donner, mais il faut vouloir et savoir comment le faire. C'est ça. Les soirées cachées, c'est fou, qui avaient lieu, qui ont eu lieu sporadiquement à quelques moments. Ça, c'est quelque chose ou le dôme qu'il y a eu l'an dernier. Ça, c'est des choses qui renforcent le sentiment d'appartenance sur un campus. C'est des choses qui sont vraiment importantes si tu réussis à sortir le monde de chez eux. C'est ça. Puis c'est une autre difficulté, ça. Ça, c'est une autre difficulté, effectivement. Puis, tu sais, c'est un peu un cercle vicieux en même temps, parce que moins que tu te sens d'appartenance à ton campus universitaire, à ton milieu universitaire, moins que tu le considères comme un peu ton milieu de vie, moins tu es porté à aller à des événements-là, donc encore moins à te sentir, ainsi de suite. Fait, au contraire, quand tu vis sur le campus déjà, par défaut, tu es sur le campus, ben, tu vas être plus porté à aller à des événements, puis ça va là aussi améliorer ton lien avec le campus. Puis si le campus a à être symboliquement étendu, par exemple, si on voit que la communauté universitaire se tient plus dans certains endroits, disons au centre-ville, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des partenariats qui pourraient se faire? Tu sais, il y a manière de voir ça de manière alternative. Le campus, c'est un symbole plus qu'une situation géographique. Universitaire en général, et non seulement les et non seulement le parking qu'on voit par la fenêtre en ce moment. Tu sais, c'est pas... Salue d'ailleurs. Qu'on salue. Avec les containers également. Faut pas les oublier. Mais c'est ça, faut pas se dire que c'est juste une situation géographique, c'est une situation qui est idéologique beaucoup plus. Puis je pense que c'est dans cette manière-là qu'il faut penser si on veut que ce sentiment-là se renforce. Puis il y a un autre exemple, ça s'est parlé de partir de repartir, je pense qu'il y en avait déjà eu une équipe de football universitaire à l'UQTR. Ouais, puis d'ailleurs, on a mis le clou sur le cercueil assez rapidement là-dessus. Ben évidemment, parce qu'une équipe de foot, ça coûte une fortune, mais on se disait, le gros argument, c'était, ah, mais tu sais, l'Université de Sherbrooke, c'est une université qui ont donc un beau sentiment d'appartenance, puis eux autres, tout se fait autour des équipes du Vert, ça s'appelle le Vert et Or, là, les équipes sportives de Sherbrooke. Tout se fait autour de ça, puis c'est ça qui attire les gens. Même les gens qui ne trippent pas sport pendant tout vont quand même au game du Vert et Or. Alors qu'à l'UQTR, on a une super de bonne équipe de hockey, des Patriotes, puis personne n'y va. Ben justement, personne n'y va déjà à notre équipe de hockey. Puis je veux dire, on s'entend, le monde trippe hockey à Trois-Rivières. C'est du hockey, tu sais, je veux dire, c'est bien plus notre sport que le Oui, mais sur les milieux universitaires, il faut avouer que le football a une espèce de signifiance assez importante. Ici aussi? Ouais. Mais écoute, c'est la question, on en a déjà d'ailleurs parlé dans le journal il y a quelques numéros, étant donné qu'il y a eu un nom pour l'équipe de football, la proposition s'est faite qu'une équipe de basketball pourrait être une belle alternative, beaucoup moins chère, puis on a déjà les Diablos au Cégep, qui est une équipe qui va bien, qui attire du monde, puis si on recule dans les écoles secondaires... Moi, je me souviens, j'allais au séminaire Saint-Joseph, puis beaucoup d'attention portée sur le basketball. Ouais, de plus en plus, mais ça, d'ailleurs, moi aussi, j'étais allé au séminaire Saint-Joseph. C'est vrai? Ouais. Wow! Mais ouais, pas toi. Ben, c'est parce que j'ai fini avant que tu rentres, je pense. Ah, bon, mais, tantôt les retrouvailles. Ouais, c'est ça. Mais le basket, une des choses aussi qui est intéressante, puis ça, d'ailleurs, avec nos thèmes généraux de l'émission, c'est intéressant, c'est que le football américain, on s'entend, pas grand-fille qui joue à ça, puis en effet, tandis que le basketball... Le basket, tu sais, déjà le hockey, il y a déjà plus de filles qui jouent à ça, mais le football, c'est un sport vraiment réservé à la gente masculine. Le basket est probablement le sport le plus mixte dans tous ceux qu'on vient de nommer. Même peut-être, d'un point de vue académique, c'est quelque chose qui est très féminin. Surtout à Trois-Rivières, là, les Diablos, ceux dont on entend le plus parler, c'est les équipes féminines. Donc ça, c'est une belle évolution dans la chose. Bref, tout ça pour dire qu'on a... On a encore dévié pas mal, c'était le fun. Ouais, non, c'est un peu le but d'ailleurs, là. C'est de pas nécessairement respecter tout le temps notre réinventons la roue ici. Effectivement. Ça serait pas mal rendu l'heure que je parle de mon éditorial. Oui, c'est sur quoi cette semaine? C'est sur quoi cette semaine? C'est sur les associations nationales. Qu'est-ce que c'est ça? Mes préférés. Loin, on les aime ceux-là. C'est ça, bon, pourquoi j'en parle? Ben, c'est parce que là, d'ailleurs, je vais faire de la belle grosse pub, je vais faire la job de des gens qui sont payés pour faire de quoi, parce que je pense qu'ils sont payés pour le faire. C'est que, bon, peut-être que peu de gens encore le savent, mais on est présentement, on commence une campagne référendaire, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir nos élections de l'OGE qui débutent dans ce temps-ci, on est à la fin de l'appel de candidature. En plus de ça, en même temps que le vote pour les élections de l'OGE, on va aussi devoir voter sur l'affiliation ou non à une association nationale, à un groupement national d'associations locales comme l'OGE-UQTR. Dans le fond, quand je vais dire asso local, pensez OGE-UQTR. Quand je pense asso national, pensez à l'AC, à la Defunct FERC. Plus récemment, là, dans le fond, la question va se poser entre... Ben, est-ce que... Bon, il y a l'AC, évidemment. Là, puis c'est ça, là, la question, exactement, je ne sais pas, mais bon, il y a l'UEC, qui est un peu le on va le dire, qui est un peu la descendante de la FERC. C'est l'Union étudiante du Québec. Puis ils ont changé quelques clauses. Ouais, ouais. C'est pas pareil. On va y revenir. Puis moi, je ne vais même pas argumenter sur le fond de « Ah, cette assaut-là, es-tu bonne ou es-tu pas bonne? » Vous allez voir où est-ce que je vais m'en aller. Je veux juste placer le terrain avant. L'autre association, puis c'est probablement, puis là, c'est ça, je ne connais pas encore la question exacte, mais une des l'autre association qui va nous être suggérée, c'est l'AVEC, l'Association pour une voix étudiante au Québec, ou québécoise, là. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Celle-là, d'ailleurs, l'AVEC, l'OGE-UQTR, a énormément travaillé à sa mise en place, mais ça ne fait pas en soi qu'on est... qu'on n'est pas de facto affilié à celle-ci. Puis c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que, à mon avis, les associations nationales, c'est de la scrap. Pour quelle raison? Très simple, en fait. Bon, en tant qu'étudiant à l'UQTR, on paie déjà des cotisations pour le GEUQTR. Pas le choix, il faut bien que ça se finance d'une manière à un moment donné. Mais c'est que ça nous rajouterait des cotisations de plus pour la fameuse association nationale. Pour quelque chose qui a un peu la même mission. Ben ouais, c'est ça. C'est supposé être complémentaire. C'est supposé être notre voix au national, un lien avec vraiment le gouvernement, avec le politique, parce que c'est sûr que quand tu as quelque chose de centralisé comme ça qui parle supposément au nom de tous les étudiants, tous les étudiantes et étudiants du Québec, là, évidemment. Je ne parle pas rien que de l'UQTR, je parle de tout le monde au Québec, ou en tout cas, une assez bonne proportion pour dire que ça vaut la peine qu'il soit représenté là. Bon, ben, apparemment, ça serait plus facile d'avoir la représentation politique. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, parce que ben, l'OGE-UQTR est indépendant depuis 2009. C'est-à-dire qu'avant ça, on a été affilié à la FERC pendant plusieurs années, puis ça ne marchait pas bien. La FERC s'était basée à Montréal. C'est un secret de polichinelle que la FERC s'était contrôlée par beaucoup de gens reliés avec la FECUM, qui est l'équivalent de l'OGE-UQTR, mais pour l'Université de Montréal. La FECUM puis une couple d'autres associations, mais assez souvent. Puis ça, je ne parle pas à travers de mon chapeau. C'est pas difficile de voir que quand tu regardes la provenance des gens qui étaient sur l'exécutif de la FERC, c'est constamment, c'est très, très souvent majoritairement des gens de la FECUM. Donc, puis ça, c'est pas dire que c'est de mauvaise foi, c'est pas dire qu'ils travaillaient juste pour la FECUM, mais c'est que c'était extrêmement montréalocentriste, premièrement. Les décisions se prenaient comme ça. Puis les décisions aussi, ce qu'il fallait dire, c'est que c'était pas une asso ou un vote ou quelque chose comme ça, c'était en proportion du nombre d'étudiants. Ce qui veut dire qu'une association comme l'OGE-UQTR qui a 10-12 membres, 1000 membres, 10-12, hein, 10-12 000 membres, pèse pas beaucoup comparativement à, mettons, justement, la FECUM qui était d'un 40 000. Ou la CADEL de l'Université Laval qui est dans des chiffres là, dans ce genre-là. Ce qui enlevait beaucoup finalement de pouvoir de représentation à toutes les universités de région. Ben en gros, c'est ça ce que ça donnait. On se perdait d'un bras. Souvent, une asso montréalaise ou deux asso montréalaises faisaient la pluie et le beau temps. Fait que ça se perdait dans la brume. Puis souvent, une autre affaire qui était reprochée à ça, c'est que les décisions se faisaient top-down plutôt que bottom-up, comme normalement c'est supposé de se faire dans le reste du mouvement étudiant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait une élite d'élus, dans le fond le conseil exécutif, qui, eux autres, prenaient les décisions et ensuite les imposaient jusqu'à un certain point aux associations membres. On disait aux associations membres, voici nos nouvelles positions, vous devez prendre ces positions-là en Assemblée générale, vous autres aussi, vous avez d'affaires à ce que ça passe. Nous autres, à la GEQTR, c'est arrivé souvent que ça passait pas. Dans le cas inverse, hein, qu'est-ce qui arrive? Ben, on se trouve en genre de conflit, puis éventuellement, ce que ça en a amené, c'est ce qu'en 2009, on s'est désaffilié. Le GEQTR a tenu un référendum, puis a fait, ben, regarde, on fout le camp. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Par la suite, bon, là, on a été désaffiliés en 2009, fait que ça s'est assez bien passé. On n'a pas eu de... Il y a eu des problèmes légaux reliés à ça, mais ça, j'embarquerai pas là-dedans, parce que les autres, évidemment, voulaient pas perdre nos cotisations. Fait que là, il y a eu des petites batailles, mais finalement, ça s'est réglé. Puis, moi, ce que je veux en venir, c'est en 2012, quand il y a eu les dernières grandes grèves étudiantes, là, on se rappelle de 2012, le printemps érable, terme que je déteste d'ailleurs, là, mais en tout cas, les grèves contre la hausse des frais de scolarité. Nous autres, à la GEQTR, on a pris une position pour un truc qui s'appelle le FSSEP, qui en gros était une méthode pour... c'était un nouveau programme gouvernemental qu'on suggérait, qui avait eu beaucoup de travail, de recherche de fait là-dessus, entre autres à l'Université Laval, qui était aussi eux autres des affiliés de la FERC depuis un certain temps, dans le fond, c'était une méthode de financement sur... c'était un truc là, par rapport aux entreprises, aux grandes entreprises, aux grandes industries, ces affaires-là, puis ça faisait que c'était aller rechercher beaucoup plus que la hausse des frais de scolarité pour un coût social beaucoup moindre. Donc, la CADEL a eu cette position-là. Dans ce temps-là, la CADEL faisait partie de la TASEC, qui est la table de concertation des assos étudiantes. Je ne rentrerai pas dans les détails non plus, mais qui était une association nationale qui a eu ça dans ses propositions pendant très longtemps, a essayé de faire de la pub pour ça, ça n'a pas bien marché. Nous autres, on prend position pour ça en 2011, si je me rappelle bien. Tout de suite, on fait des communiqués de presse, on sort des médias avec ça, puis en quelques semaines, on a donné plus d'exposure, si on peut dire, excusez-moi le terme anglais, au FSSEP que pendant un an et demi, qu'une asso nationale avait ça. Là encore, nous autres, à l'UQTR, on avait rencontré une députée libérale, eux autres, d'ailleurs, les députés, ils avaient interdiction de rencontrer des représentants étudiants. On était considérés comme des presque terroristes en 2012. Effectivement. Nous autres, on a réussi à la rencontrer quand même. On s'est parlé. Il y a eu un scrum médiatique. Ça allait bouleverser complètement tout ce qui se faisait, surtout dans la région, mais un peu partout, en fait. Parce que là, c'était une brèche dans l'armure du gouvernement libéral de l'époque. Puis, il y a eu une manifestation à Montréal organisée par une asso étudiante qui se foutait un peu de ce qui se faisait ailleurs, qui ont un peu foutu le trouble, ou peut-être que non, parce que dans ce temps-là, c'était bien dur à savoir qu'est-ce qui se passait vraiment. Puis, ça a juste parlé de ça, finalement, qu'il y a eu encore une autre manifestation à Montréal, qu'il y aurait eu du grabuge, qu'il y aurait eu des arrestations, puis ainsi de suite. Puis, nous autres, le trouble qu'on s'était donné, ça a passé comme dans le beurre. Fait que moi, ce que je dis, c'est à quoi ça nous a servi cette année-là? Pas grand-chose. D'ailleurs, je parlais du fait que le GEQTR a travaillé beaucoup à la fondation de l'AVEC. Pendant ce temps-là, c'est du temps qu'ils ne sont pas en train de travailler sur ce qui se passe sur le campus, évidemment. Puis, est-ce que ça nous sert vraiment à quelque chose? Pas sûr. Finalement, qu'est-ce que je suggérais pour remplacer ça? Parce que là, je vais essayer de me dépêcher pour qu'il nous reste un peu de temps encore. Il y a eu par le passé ce qu'on appelait des RNE, des Rassemblements nationaux étudiants. C'est quelque chose de ponctuel. Puis, ce que je dis, c'est qu'on devrait faire ça plus souvent. En fait, on ramasse le mouvement étudiant, ou en tout cas, mettons, les universités, ou peu importe. Comment on veut découper ça, dans une même place, puis on regarde les positions communes. En 2012, c'était pas compliqué. On est contre la hausse des frais de scolarité. Peu importe que vous soyez pour la gratuité scolaire, pour le gel, pour l'indexation, on était contre cette hausse-là à 100% dans le mouvement étudiant. Fait que pourquoi pas juste militer là-dessus plutôt que se mettre à chicaner? Ouais, mais il faudrait être pour la gratuité scolaire, simplifier le débat, puis le complexifier par la suite une fois qu'il y a des positions qui sont prises. C'est ça. Puis d'ailleurs, la manifestation qui a eu le plus de succès cette année-là, c'est la manifestation qui a été organisée par le RNA en 2012. Ça a été la grosse manifestation à la fin du mois de mars, qui a eu comme 400 000 personnes. D'ailleurs, presque à pareille date. Ouais. C'était le 22 mars, ouais. C'est toujours le 22. C'est toujours le 22. 22, d'ailleurs, sorti du prochain Zone Campus. Oh. Tant. Donc, c'est ça. Puis, un des contre-arguments que je me fais dire pour ça souvent, c'est parce que j'en ai parlé avec la gang de l'EGE, c'est que, la recherche, c'est les assos nationales qui la font. OK. Rassemblons-nous entre, mettons, VP académique dans le mouvement étudiant, puis organisons-nous pour ça. Et voilà. On fait la recherche comme ça. Puis c'est surtout que ça empêche la politique de corridor qui est le fléau des assos nationales. Fait que bref, c'était tout pour mon éditorial où ce que je vous dis que votez pour l'indépendance, s'il vous plaît. Puis on se fait j'ai pas d'allure de dire ça. Puis moi-même, j'ai déjà fait un éditorial dans Zone pour dire qu'un éditorialiste n'a pas d'affaire à dire des trucs comme ça. Mais en tout cas, bref. T'es plus éditorialiste, c'est correct. Tu t'es libéré de tes chaînes. Ce segment-là, on l'appelle quand même l'éditorial. Puis là, le prochain segment, on l'appelle. C'est pas si libéré que ça, finalement. Ouais, c'est ça. le prochain segment, on l'appelle L'herbe est toujours plus jaune chez notre voisin du Sud. C'est où ce que Lucas nous parle de politique américaine. Yes! C'est à toi. Bon, on a eu encore un Super Tuesday. C'est ce qu'il appelle habituellement le Belt. C'est tout. Plusieurs États qui votaient en même temps pour les primaires américaines. Bon, Clinton a gagné presque tout pour les démocrates. Trump a gagné presque tout pour les républicains. Ça devient un peu prédisible. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On enterre de plus en plus nos espoirs pour Bernie Sanders. On enterre de plus en plus nos espoirs pour la révolution. ouais, effectivement. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire sur les primaires en soi. Je pense que ça devient pas mal clair, les tendances. Je crois que si on a quelque chose à suivre, ça va être les conventions que j'ai parlé la semaine passée, les conventions du Parti républicain, si Trump n'a pas la majorité absolue. Sinon, il y a la Chine qui est sortie, je crois, hier ou aujourd'hui, puis qui a commencé à faire de la propagande auprès de sa population en leur disant que, la preuve que le régime politique chinois est supérieur à la démocratie, c'est que le régime chinois n'aurait jamais permis un Trump. Ouais, c'est un drôle d'argument un peu sophiste, je dirais. Mais en même temps, c'est évidemment un peu sophistique, mais ça ouvre quand même la discussion, ça ouvre quand même la réflexion. Ben, en fait, t'en avais parlé dans le Politique Fiction sur Dawn of Justice, Lucas, il y a une couple de semaines. Qu'est-ce qui est le mieux, une démocratie ou un despote éclairé? Mais non, de toute façon, le problème, c'est que la démocratie à laquelle on assiste en ce moment, regardant au sud, avec cette herbe jaune aux couleurs d'un toupette cocasse. Lorsqu'on regarde ça, le problème, c'est que peut-être que cette démocratie-là est biaisée. T'sais, c'est pas ça la définition d'une belle démocratie. Non, effectivement, mais ça leur fait un bel argument pour continuer à faire le terrorisme. Ça, t'as Trump, pas tort. Trump aussi a parlé de la Chine. Lui, ce qu'il avait à dire par rapport à l'autoritarisme de la Chine... Comme, we're gonna blow the shit out of them, comme d'habitude. Ben non, en fait, il a plutôt vanté les mérites du système politique chinois. Oh. Il dit, en fait, quand on regarde de la façon que la Chine a géré quand il y a eu les émeutes du Tiananmen Square, pour ceux qui ne savent pas, Tiananmen Square. C'était une espèce des émeutes étudiantes qui, dans les médias occidentaux, on a dit surtout que c'était des gens qui réclamaient une démocratie. Ça a été très violemment réprimé. Ouais. Effectivement. Il y a eu la célèbre image de l'étudiant qui se tient devant une rangée de tanks qui a fait le tour du monde. Lui a dit que le gouvernement chinois avait bien géré ça, qu'il avait fait preuve de force, et en même temps, il a réussi à lancer des fleurs à Vladimir Poutine en disant que dans cette même lignée-là, il était un bon gouvernement qui montrait sa force au pouvoir puis qui ne se laissait pas piler dessus par la faible population comme les États-Unis. Ce qui fait peur, en fait, c'est que... Ça, c'est dit, tu sais, je veux dire, on n'est pas étonné d'entendre Donald dire ça. Ça, c'est pas étonnant. Cependant, ce qui est étonnant... C'est étonnant, puis ça l'est. Ben, c'est pas étonnant, puis ça l'est en même temps. C'est pas étonnant parce qu'on est désillusionné de l'homme politique. Ce qui est étonnant et peut-être un peu plus déplorable, c'est qu'il y a une, disons, appelons-la la majorité silencieuse américaine qui applaudit ça. C'est, personnellement, ça va d'être à voir. Moi, je n'aime pas quand je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, mais tu sais, sans parler de majorité silencieuse, il y a les gens de closet voters, je pense qu'ils appellent un truc comme ça, les gens qui disent, tu sais, qui en fait voudraient voter Trump, mais ne l'assument pas publiquement, mettons. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un peu un genre de... Une espèce de version alternative de, justement, peut-être le terme majorité silencieuse qui n'est pas le bon. Ben, on verra. Là-dessus, moi, je maintiens mon optimisme. Mais sinon, dans l'actualité politique américaine, il y a eu finalement une nomination pour la Cour suprême. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a suivi de près dans les dernières semaines. Bon, Obama a nommé, il s'appelle Jerrick Garland. Donc, il va rester à voir si le Sénat approuve la nomination. Bon, les Républicains ont déjà dit qu'ils accepteraient aucune nomination tant que les élections n'étaient pas terminées. Bon, quand même, le juge que Obama a nommé fait l'unanimité. Les Républicains ont dit qu'effectivement, si Hillary Clinton, par exemple, gagnait l'élection, il pourrait accepter cette nomination-là. Parce que, bon, c'est un modéré, Jerrick Garland. Les Républicains ont quand même dit, ils sont quand même défendus de ne pas vouloir accepter la nomination présentement. Leur grosse défense a été « Oui, mais les démocrates, à notre place, ils auraient fait la même chose. » Une belle double faute. D'ailleurs, ils ne peuvent vraiment pas le savoir, parce que probablement que les démocrates n'auraient pas fait ça anyway, parce qu'ils n'auraient pas bloqué un juge pour rien. Probablement. D'ailleurs, c'est une stratégie qui est passée. Je vais y aller vite, là. On est à la fin de l'émission. Là, mais... Bon, juste présenter un peu le bonhomme, Jerrick Garland. C'est présentement l'actuel chef de la Cour d'appel de Washington. Il avait déjà été pressenti en 2010 pour le poste. C'est un juif, ce qui fait que présentement, on a 4 juifs et 5 catholiques à la Cour suprême. Il n'y a aucun protestant, ce qui est assez drôle pour une population principalement. Ouais. Et ça. C'est un juge qui est bon sur beaucoup de dossiers. Il est jugé comme un libéral. Il a déjà voté en faveur de lois environnementales, où il a déjà tranché des jugements en faveur de lois environnementales d'Obama. Il a fait beaucoup de jugements en faveur des associations de travailleurs. Il a souvent attaqué les profits faramineux des universités privées américaines en disant que ça n'avait pas d'allure, que ça fasse des profits de même alors que l'université n'est pas abordable. Mais sinon, en dehors de ça, il est jugé plus comme modéré slash conservateur dans la plupart des cas. En fait, c'est un philosophe juridique. Donc, il est souvent appelé comme le juge des juges, où est-ce qu'il va sûrement rappeler à l'ordre des juges qui ont justement émis des jugements plus idéologiques. Ah. Donc, c'est pour ça que à peu près tout le monde l'aime bien. C'est ça. C'est pas mal ça, c'est lui, Jarek. On va voir s'il va être accepté ou si les démocrates, s'ils gagnent, si ça va être quand même lui qui vont présenter. C'était tout. Ben, c'est déjà tout pour cette semaine, d'ailleurs. Donc, premièrement, on va se plugger. Moi, je passe à Assemblage requis le mercredi à 8h. Du matin, évidemment. Lucas et Louis-Philippe, on vous lit dans le Zone Campus aux 2 semaines. Exact. C'est ça. Ensuite de ça, nous, on est en rediffusion samedi à 9h le matin, juste avant Génie en liberté. Et on va être aussi en balado-diffusion à un moment donné, à partir de maintenant, sur notre page Facebook. Ça ne veut pas dire que je le mets là, ça veut dire qu'à partir de là, ça tombe dans la période où je peux le mettre en balado, parce que des fois, je me fais pousser dans le dos. donc, merci Lucas encore pour cette semaine. Merci Louis-Philippe d'être venu nous rencontrer. Merci à vous. Et surtout... De rien. Et surtout, merci à toi, cher public, et reviens-nous jeudi prochain à 13h, toujours à C'est fou 89.1, pour une nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission qui gère les malaises avec brio.